l'heure de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM, aujourd'hui je suis avec Jean-Marie. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci Laura. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs? Jean-Marie Hatton, déjà merci pour votre invitation Radio Gémozo. Et donc je suis le responsable directeur du refuge du Sautré sur les crêtes vosgiennes et je m'occupe de la structure depuis une vingtaine d'années. Et qu'est-ce que vous faites en tant que directeur au refuge? Multitâche. C'est-à-dire énormément de choses. Donc on est une équipe permanente à l'année de 13 personnes, donc ce qui fait déjà du travail d'organisation, de coordination globalement. Et puis sur le principe du refuge, qui est une auberge de montagne, avec la particularité de travailler prioritairement en faveur de personnes handicapées, ça demande beaucoup de travail en amont. Déjà on est dans le Haut-de-Vosges, donc il faut se faire connaître, il y a une grosse partie communication. Après il y a la commercialisation qui passe par l'établissement des devis, la réponse aux clients, s'adapter toujours, parce qu'on travaille avec toutes les clientèles, mais dans le domaine du handicap, il faut s'adapter sur la partie restauration, hébergement bien sûr, mais comme on propose aussi des sports et loisirs adaptés de montagne, il y a beaucoup de choses à anticiper par rapport à l'accueil des personnes. Donc il y a le travail sur l'équipe, il y a le travail sur l'accueil, il y a toute la partie bien sûr qui est comptable et administrative, hein, qui représente une grosse partie du travail, mais bien sûr je ne suis pas tout seul. Les journées sont bien remplies, disons. Et je suppose que pour travailler avec des personnes atteintes du handicap, il faut une formation en particulier ou pas? Il faut surtout avoir l'envie et partager le plaisir de travailler dans ce domaine, parce que c'est un petit peu différent. Il y a tellement de variétés dans le domaine du handicap qu'on c'est différent du grand public. Donc à l'origine, je suis géomètre topographe, donc j'ai complètement changé il y a un peu plus de 20 ans d'orientation pour passer un brevet d'état d'alpinisme, accompagnateur en moyenne montagne, et une qualification en e-sport concernant les activités de montagne. Après, cette base m'a permis et nous a permis à la structure d'accueillir dans de bonnes conditions l'ensemble des personnes que l'on reçoit, notamment dans le domaine du handicap, que ce soit au niveau moteur, au niveau mental, au niveau auditif, visuel, hein, sensoriel, et polyhandicap et bien d'autres choses. En tout cas, on a appris avec le temps à apporter du plaisir aux personnes, quelle que soit la déficience, et puis rendre les séjours très agréables. Est-ce que vous avez toujours été directeur ou pas? Oui, depuis le départ, en 2002. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur vos collaborateurs? Oh, quelques mots. On a de très bons retours, quasiment 100%, donc c'est que les collaborateurs doivent être bons aussi. Donc il y a Estelle, ma compagne, qui s'occupe beaucoup de la comptabilité et de l'administration, mais aussi du service, parfois de la cuisine pour les remplacements, tout comme moi. Et puis la direction adjointe, entre guillemets, mais elle dirige avec moi. Après, il y a Aline qui s'occupe de répondre au téléphone, parce qu'il sonne beaucoup, et puis d'établir les devis en faveur des différentes demandes, quel que soit le public, toujours, parce que c'est assez compliqué parfois de faire un programme complet sur une semaine avec une classe verte ou une classe de neige, avec les enseignants, parce qu'on essaye de s'adapter au mieux à la demande des enseignants en fonction de leurs besoins pédagogiques ou ludiques. Au niveau handicap, la même chose. Aline s'occupe également de changer avec les personnes en amont pour que le séjour se passe de la meilleure manière possible, la plus belle manière. Mais au niveau handicap, on a souvent des régimes alimentaires très particuliers, tout dépend des personnes. Et puis au niveau des activités, il faut vraiment qu'on connaisse la sensibilité des personnes derrière le handicap pour leur apporter du plaisir, mais surtout pour leur apporter du plaisir, mais de pas faire n'importe quoi avec n'importe qui, parce qu'on est quand même en montagne, c'est escarpé, il y a beaucoup de choses. Voilà, donc elle s'occupe de ça. Il y a Justine aussi qui s'occupe de la communication, parce qu'on est un petit peu loin de tout. Donc il faut se faire connaître. Mais au bout de 20 ans, on commence à avoir intégré pas mal de réseaux et puis à être connu. Il y a Laura et Benjamin, les cuisiniers, midi et soir. Il y a au service Marilyn, Virginie, Béatrice. Si j'oublie quelqu'un, je suis foutu. Nathalie, il y a Pauline aussi, Romu, voilà. Et puis également Florian, qui est à l'origine éducateur spécialisé, qui travaillait dans le domaine du polyhandicap principalement, et qui a intégré la structure il y a 6 ans, qui est également accompagnateur en montagne. On est 2 permanents sur la structure, donc lui et moi. Et en complément de cette équipe, on travaille avec une 15 à 20 personnes indépendantes, donc qui sont des accompagnateurs en montagne, des moniteurs tir à l'arc, moniteurs VTT, c'est très varié. Mais eux, qui viennent à la journée ou à la demi-journée selon la demande des groupes que l'on encadre ou des familles ou autres. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre profession ? Le contact, le don de soi, le fait d'apporter, surtout dans le domaine du handicap, hein, tout ce que l'on peut apporter aux gens, c'est le retour qu'on a, c'est du plaisir, des sourires et puis d'excellents souvenirs. C'est ce qui motive toute l'équipe au refuge. C'est ce qui est vraiment, vraiment agréable. Après, on n'a aucune routine. Tous les jours sont différents. C'est très agréable. On est dans un environnement qui est exceptionnel, hein, sur le Haut-de-Vosges, avec notamment pour le refuge du Sautré, avec une vue sur le lac de Longemer. Les couchers de soleil sont magnifiques. On a 2 grandes saisons dans l'année, une avec neige, une sans neige. Et les paysages sont complètement différents. La façon de vivre est différente en hiver aussi. C'est ce qui est intéressant. On est proche des éléments. On doit vivre avec la neige, on ne doit pas s'opposer. Si on s'oppose, on s'en va. C'est assez particulier, la partie déneigement, la partie accès, mais c'est ce qui rend aussi en hiver les séjours magiques, notamment en faveur des personnes handicapées, parce qu'ils se retrouvent dans un milieu difficile, hivernal, froid, avec beaucoup de neige, et on fait tout ce qu'on peut pour rendre le séjour agréable, et c'est ce qui se passe. Et l'expérience est toujours magnifique. Qui est le lutin Sautré ? Le Sautré est un petit lutin de la mythologie vosgienne, un copain du Daru, ou du Dahu pour ceux qui connaissent, qui est joueur, qui est à l'origine fermier, qui embêtait les fermières en déplaçant les outils la nuit, en dérangeant les vaches, les ânes. C'est un peu espiègle aussi, et quand on a dû choisir un nom, bien sûr. Il y en a un peu plus de 20 ans. Il fallait trouver quelque chose qui corresponde à notre activité. Et puis ce lutin, ça correspond bien aussi au côté légendaire, puisqu'on travaille beaucoup avec des écoles, des enfants, hein, en vacances ou en temps scolaire. Donc c'était plutôt sympa. Et puis ça rapportait pleinement notre image, l'image de tout ce qu'on a voulu et ce qu'on a développé au territoire. Et c'est quoi le refuge du Sautré, justement ? Le refuge du Sautré, c'est... C'est un lieu où les gens prennent du plaisir en montagne. Ça, c'est la première chose. Et c'est une auberge de montagne. On a cette première utilité, entre guillemets, mais de faire dormir et de restaurer les gens. Et on a fait le choix, dès le départ, hein, de partir en faveur des personnes handicapées. Donc, on a adapté la structure petit à petit pendant une dizaine d'années. Et quand on a pu le faire, en 2012, on a fait des gros travaux qui nous ont permis d'accueillir au mieux les personnes porteuses de handicap, mais qui dit handicap dit... Enfin, on accueille des personnes valides également, mais si la structure est bien faite pour au niveau adaptation pour des personnes porteuses de handicap, ça sera d'autant mieux pour des personnes valides. Donc la base est une auberge de montagne adaptée, spacieuse, confortable, et on travaille avec tous les publics. Alors, sur l'hébergement, on a des séminaires d'entreprise, des associations, des écoles, des personnes handicapées, c'est très très varié. Des marcheurs, bien sûr, hein, puisqu'on est sur le GR5. Et on peut dormir une nuit, 2 nuits, une semaine, c'est à la carte. Et derrière ça, on développe une restauration sur la base du terroir, avec un ensemble de produits locaux sur des circuits courts, le plus qu'on peut en tout cas. Et on transforme et on cuisine tout sur place, avec nos 2 cuisiniers, hein, Benjamin et Laura, et puis nous aussi quand on peut. Et sur la partie boisson, c'est pareil. Évidemment, pour les vins rouges, on travaille avec Bordeaux ou la Bourgogne. Mais on a beaucoup de vins locaux. Toutes les bières maintenant, avec toutes les microbrasseries, c'est plus très compliqué de trouver de bonnes bières en local. Donc voilà pour la partie restauration. Et le refuge du Sautré, c'est aussi... Bon, il y a 60 places pour dormir, 80 pour manger. C'est aussi une salle de restauration qui est entièrement vitrée sur le domaine skiable de la Bresse, puisqu'on est en haut des pistes de ski alpin. On voit le lac également, donc côté ouest, avec tous les couchers de soleil. Donc c'est très sympa en salle de classe pour les enfants, mais on reçoit beaucoup d'EHPAD aussi, des personnes vieillissantes. Et avec eux. Donc dans cette salle, on peut faire des tournois de belote, de loto. Ça fait bibliothèque en même temps, petite salle d'animation. C'est aussi une salle de réunion pour les séminaires. C'est aussi une salle de formation pour les fédérations diverses et variées, notamment de montagne, hein, la fédération de moyenne montagne, le club alpin et bien d'autres. Ça sert de salle de cinéma et d'animation aussi le soir pour les groupes, puisque c'est entièrement équipé d'un point de vue plus multimédia. Donc, le refuge du Sautré, c'est un lieu de vie au cœur de vraiment sur les sommets vosgiens, pour tout public, confortable, et qui on répond à la carte, qui permet à tous et à chacun d'imaginer son séjour. Je pense aussi au-delà des groupes dont je parlais, c'est aussi des anniversaires, c'est des mariages, c'est toutes ces choses-là. L'endroit s'y prête parfaitement, sur un côté naturel, un côté détente, un côté bien-être aussi. Et voilà, tout au long de l'année, avec l'ensemble de l'équipe, on essaye de faire vivre tout ça au mieux et que tout le monde soit content. Nous allons faire une première pause musicale avant de parler des différentes activités du refuge. On vous laisse avec Swattle et une reprise du titre It Road Jack de Ray Charles. On se retrouvera juste après sur Radio Gamozo. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. With the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. With the road, Jack, don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. With the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more. With the road, Jack, not to come back no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more. Done. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. With the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. With the road, Jack, don't you come back no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Jean-Marie. Quel genre de public vous recevez au refuge du Sautré? Donc on est ouvert à tout public, hein. C'est vraiment très vaste. Le public classique qu'une auberge de montagne peut recevoir, c'est-à-dire tout le monde dans le cadre des personnes valides, mais la particularité est vraiment de travailler principalement avec des personnes porteuses de handicap, et puis également des scolaires, des enfants en vacances, c'est très varié. Alors, valides ou porteurs de handicap, les enfants en vacances ou les scolaires, c'est ce qui est très intéressant dans ce qu'on développe. Et justement, vous recevez des personnes atteintes de handicap, mais quel genre d'activité est-ce que vous leur proposez ? Les activités les plus adaptées possibles. Puisque le handicap, c'est lui qui va définir l'activité quelque part. La personne, elle va avoir envie de profiter de la nature, de la montagne. Après, qu'est-ce que la personne est capable de faire ? C'est la première question. Donc sur les activités, une des activités principales que l'on développe, c'est de la randonnée avec des joëlettes. Alors on va faire de la randonnée de la même manière qu'on pourrait le faire avec des personnes valides, ou des enfants ou autres, sur un aspect découverte du milieu. Alors, ça va être autour des paysages, lecture de paysages, faune, flore, histoire, géologie, sylviculture, agriculture, visite de ferme pour ce qui est en montagne, été ou hiver. Et toutes ces activités, on essaye de les décliner pour des personnes qui sont porteuses de handicap. Donc la joëlette, c'est une sorte, entre guillemets, de chaise à porteur. Il y a une personne devant, un accompagnateur en montagne qui est formé en e-sport, une personne derrière qui est souvent quelqu'un de l'association, parce qu'on a une gestion associative sur la structure, ou un deuxième accompagnateur, ou un accompagnant du groupe qui vient, ça peut être du personnel de santé qui est là en assistance. Et là, on va emmener les personnes, donc une personne devant pour tirer, une personne derrière pour équilibrer, pousser, aider. Aujourd'hui, on a des joëlettes assistance électrique, ça facilite pas mal l'effort physique pour nous. Et là, on va vraiment passer sur la quasi-totalité des sentiers de montagne, sauf ceux qui sont trop escarpés. Il n'y a pas vraiment d'intérêt d'aller dans des rochers en joëlette, et puis c'est dangereux. Donc, on se limite de ce côté-là. Mais ça, la joëlette nous permet aussi d'emmener un enfant porteur de handicap dans une classe. Par exemple, si on est avec des enfants et qu'on travaille en parallèle avec un EHPAD, il arrive qu'on emmène un groupe d'enfants avec deux ou trois personnes vieillissantes qui ne peuvent plus marcher, mais qui sont contentes de retrouver l'environnement des crêtes vosgiennes, d'autant plus avec des enfants autour qui peuvent aider à pousser, à tirer, mais principalement le fait de se retrouver ensemble, c'est ça qui est intéressant. Donc la joëlette est un de nos premiers outils. Pour tout ça, après pour l'accès à la montagne en tout cas, pour les personnes handicapées, après on a le SIMGO. Donc le SIMGO qui a été développé par Tessier, qui est un constructeur du milieu alpin, de fauteuil ski à l'origine, mais là c'est un fauteuil tout terrain à quatre roues. Nous on est solidaire du fauteuil, on est debout derrière, c'est nous qui guidons. Donc, ils choisissons la trajectoire, qui freinons, et la personne n'est pas autonome. La personne qui est dans le siège, la personne n'est pas autonome, mais ça nous permet d'emmener vraiment là tout type de personnes porteuses de handicap, que ce soit un accident, une maladie, plein de choses, pour faire des descentes. Donc, on fait des descentes entre 5 et 15 kilomètres, depuis les crêtes, côté vosgien ou côté alsacien. Alors, par exemple, on part du Dreieck, au-dessus du lac Vert, et puis on descend jusqu'à la mairie de Stosswir. Ou alors au-dessus du Breitsuh, sur la route des crêtes, on descend par le Kastelberg, le lac de Fischbele, et puis on arrive à Mittlar, en bas. Et c'est les deux principales descentes que l'on fait. Donc une personne secondaire conduit une camionnette, vient nous rechercher en bas avec une remorque, on recharge le matériel, on remonte. Donc il y a toute une logistique autour. Mais ça permet d'emmener tout le monde dans des milieux et des paysages qui sont exceptionnels et dans des ambiances naturelles montagnardes qui sont excellentes. Donc le SIMGO est vraiment extrêmement apprécié. Quand la personne porteuse de handicap, si c'est une personne qui est paraplégique ou équivalent ou fatigable, mais qui a quand même ses facultés motrices au niveau des bras, du tronc, et puis aussi ses facultés intellectuelles qui vont lui permettre d'appréhender la pente, on a un modèle qui s'appelle le Quadrix. Donc c'est un fauteuil tout terrain à quatre roues également, mais là la personne pilote, freine, elle a son guidon, elle freine. Donc étant donné l'environnement, c'est pour ça que je disais qu'il faut savoir appréhender la pente, parce que si une personne n'a pas peur, ça risque d'être compliqué. Mais tout ça, c'est aussi à nous dans un petit cas de formation, de sécuriser les gens. Mais ça peut permettre à une personne paraplégique de nous suivre en SIMGO ou de partir tout seul. Dans tous les cas, on encadre nous toujours. On est en VTT autour ou on a des trottinettes tout terrain pour le C'est plus pour les accompagnants sur les structures hein, diverses et variées que l'on reçoit. Les accompagnants, au début, on le faisait en VTT, mais tout le monde en montagne, c'est souvent rocailleux, c'est assez délicat. Tout le monde n'a pas la maîtrise du VTT pour tous les sentiers de montagne. Donc les trottinettes, c'est nettement mieux. C'est un VTT, mais sauf que le cadre est très bas et puis on a les pieds à 20 cm du sol. Et comme on fait que de la descente, ça va tout seul. Donc ça, c'est très intéressant. Ce qui est bien dans le Quadrix, c'est que l'on peut aussi, on a des Quadrix électriques, on peut emmener les personnes, une personne porteuse de handicap ou deux dans une famille, on va emmener la famille. Donc les gens valides de la famille vont être en fauteuil, en VTT électrique, assistance électrique, et puis les personnes porteuses de handicap seront en Quadrix. Donc ça permet, ça c'est génial, c'est aux parents et aux enfants, quelle que soit la personne entre les parents et les enfants qui est porteuse de handicap, mais ça permet de faire une activité commune en montagne, en famille. Et c'est très très apprécié. Après le Quadrix, donc j'ai parlé de la Joëlette, du Singo, du Quadrix. On développe plein de petites activités autour du refuge, hein, sur de l'orientation, parce que on peut le faire en Joëlette, on peut le faire en fauteuil tout terrain. Mais on développe également des activités type tir à l'arc ou construction d'igloo en hiver. Enfin, il y a plein de petites choses qui sont plus localisées autour du refuge pour agrémenter les séjours. Et donc au niveau accessibilité handicap, on est sur cette partie-là hors neige. Quand on est en hiver, qu'il y a de la neige, on a l'équivalent du Singo, donc où les personnes ne sont pas autonomes. On a le Tandem Flex, Tandem Ski, c'est des fauteuils ski alpins. Donc on va sur les pistes d'alpin. Nous, on est comme le Singo, on est derrière solidaire du fauteuil, hein, à l'arrière des skis, dans deux sabots, et on s'occupe des virages, du freinage, la prise en charge des personnes sur les télésièges, de tout l'ensemble. Et ça, en termes de sensation, on est très bas, on est proche du sol, ça nous permet de skier avec tous les skieurs valides, sans danger. Bon, danger est toujours mesurable, hein, mais c'est à nous aussi de faire à ce que ça se passe très bien. Ça nous permet d'emmener les personnes sur les pistes, et cette activité là, au-delà de faire du fauteuil ski, de la glisse, c'est aussi très très important pour les personnes qu'on emmène parce qu'ils sont dans le domaine du ski. Ils vont se trouver la journée avec les skieurs dans l'ambiance du ski, ce que l'on voit souvent à la télé, mais quand on est dedans, c'est quand même mieux. Et c'est génial. Il y a beaucoup, mais ça va toujours dépendre des personnes qu'on emmène et du type de handicap. Hein. Si on est sur du polyhandicap, la personne appréciera aussi, mais peut-être pas ce qu'on pense. Le simple fait d'être sur un télésiège élevé par rapport au sol, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand on est valide, on s'en rend pas forcément compte. Si on a été habitué assez jeune, bon, ben voilà, on prend un télésiège. Mais pour d'autres personnes, ça peut être une expérience inoubliable, hein. Rien que le télésiège. Alors la glissant en plus, c'est encore mieux. Donc ça, c'est pour le tandem ski, donc tandem flex. Après, on a des fauteuils ski de randonnée. Donc c'est le même type de fauteuil en fait. Mais on va emmener les personnes à l'équivalent de la Joëlette pour faire de la randonnée et découvrir la montagne. Et nous, on encadre en raquette. Donc il y a un accompagnateur en montagne qui est derrière, en raquette à neige. Une deuxième personne, tout comme la Joëlette, qui sera devant si ça monte, pour tirer avec des harnais. Et ça nous permet de faire des randonnées en sous-bois, en montagne, sur les crêtes, tout en profitant du paysage, en développant l'esprit de découverte, faire des petites pauses, tisane ou vin chaud, qui sont très agréables. Et puis, tout dépend de la météo, bien sûr, on s'adapte toujours d'abord à la sensibilité de la personne. Le froid peut être difficile pour certaines personnes dans le monde du handicap, disons. On s'adapte d'abord à la personne et puis après à la météo, bien évidemment. On choisit nos parcours en fonction de la météo du jour, mais on sait très bien que dans les Vosges, il fait toujours beau, donc c'est jamais trop un problème. Mais voilà, on essaye vraiment de faire vivre la montagne à tout le monde. Alors après, au niveau du handicap, on utilise aussi des raquettes à neige, avec des bâtons pour une personne hémiplégique. On va adapter la randonnée, peut-être pour faire 1 ou 2 kilomètres en 1h30, mais on aura eu les paysages, l'environnement et tout ce qui correspond. Donc c'est des outils, ce que je cite hein, depuis tout à l'heure, qui sont vraiment dans le domaine du handicap, qui sont géniaux pour apporter du plaisir, pour faire découvrir la montagne vraiment à tout le monde. Et puis en fonction du handicap, et on a différents matériels. Il y a tellement de belles choses à voir sur la montagne, surtout dans les Vosges. Moi, je suis un petit peu chauvin, mais il faut l'être. Toutes les montagnes sont belles. Voilà, ça, tous ces outils, il faut remercier tous les constructeurs qui les développent. Et j'espère qu'il y aura encore d'autres choses qui vont se développer, mais on suit hein, régulièrement tout ce qui se fait. Mais c'est vraiment génial en termes d'apport pour les personnes handicapées. Hein. J'ai vu via votre site que vous étiez labellisé. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? Alors, on a, dès le départ, travaillé par rapport aux agréments déjà. Donc, les agréments éducation nationale, agréments jeunesse et sport, principalement. Entreprise sociale et solidaire aussi. C'est le premier gage de qualité. Après, les commissions de sécurité, bien sûr, mais ça, c'est comme pour tout le monde. Donc, ce qui nous a permis d'accueillir des, pour ce qui est éducation nationale, des classes vertes, des classes de neige. Pour ce qui est jeunesse et sport, donc c'est plus hors temps scolaire, des groupes d'enfants. Et derrière les agréments, on a continué en termes de qualité notre développement en allant vers différents labels. Notamment, on est un club handisport, on fait partie de la fédération handisport et à travers la fédération, on a le label espace loisirs handisport. Donc il y a un label de reconnaissance au niveau de l'infrastructure et du personnel, de la formation du personnel. Il y a le label tourisme handicap qui est très important. Donc là, on est labellisé sur les quatre volets moteur, mental, auditif, visuel. C'est un label qui est de plus en plus dur en termes de cahier des charges, mais donc assez dur à appliquer pour nous. Mais c'est vraiment ce qui permet à tous. Pour une personne labellisée, pour une structure labellisée, ça représente hein, une structure qui est de bonne qualité en termes d'accueil handicap. C'est vraiment des labels importants. Et donc j'ai parlé du espace loisir handisport, tourisme handicap. Après, on a eu différents trophées aussi, notamment à travers les travaux que l'on a fait en 2012, des très gros travaux pour dans le sens de l'accessibilité justement. Donc il y a 10 ans, on a eu le label du développement durable du département concernant l'utilisation des matériaux pour la construction. Et dans ce label de développement durable, il y a principalement le volet de l'intégration des personnes handicapées dans la société. Donc c'était un label important pour nous et on a eu également à notre échelle le label national de l'accessibilité. Donc pour les petites structures touristiques, puisqu'on n'est pas très grand par rapport à certains villages vacances ou autres, hein, c'est une autre dimension. Mais à notre dimension, on a eu ce label qui était quelque chose de très important pour nous, qui nous a ouvert des portes, qui nous a permis de nous faire connaître également, et puis qui est le gage de la qualité de ce que l'on fait au quotidien. Vous parliez de trophées, mais qui vous les a remis les trophées ? Alors, pour le Trophée National de l'Accessibilité, c'est un label qui est passé par le département, mais en reconnaissance du ministère de la Santé. Donc, c'était au niveau national. Et le label du développement durable était au niveau départemental. Donc, c'est le conseil général, enfin, départemental des Vosges. Est-ce qu'il y a eu une cérémonie de remise de prix ou pas? Oui, il y a eu des petites cérémonies qu'on a organisées. Et dernièrement, on a fêté les 20 ans du Sautré où tout, déjà 20 ans, où on a invité tous ses partenaires. Donc, à travers les agréments, les labels, bien sûr, mais aussi les partenaires qui nous ont permis de développer au mieux tout le refuge. Je parlais des travaux en 2012, c'est des travaux qui ont représenté une somme conséquente, et là, il y a eu pas mal de partenaires, notamment le Massif des Vosges, la région Lorraine, enfin, à ce moment-là, c'était la région Lorraine, Grand Est donc, le département des Vosges et bien d'autres. Mmh. Donc, on a fait une grosse cérémonie où on a regrouper tout ça. Le refuge du Sautré, c'est également un restaurant. Vous disiez juste avant la première pause musicale que vous pouviez recevoir jusqu'à 80 personnes, que vous proposiez un maximum de produits locaux. Mais est-ce que vous pourriez nous parler des producteurs ? Les producteurs locaux, alors dans les Hauts-de-Vosges, le produit phare, c'est le Munster. Donc là, il n'y a pas de problème pour en trouver. On travaille avec les fermes environnantes, principalement les Trois Fours, la ferme Husse aussi. Et après, sur tout ce qui est local sur les viandes, on travaille avec la boucherie Laurent, donc qui est au Tio, et à Villers-sur-Thur, côté alsacien. Ils sont sur deux sites, donc ils nous fournissent la quasi-totalité des viandes, que ce soit la chine de porc fumé, hein, pour faire le repas marquaire, le repas traditionnel, ce qu'on appelle aussi la chifala en alsacien. Et puis, les pommes de terre, tout ce qui est primeur, fruits, on travaille avec Primeur des Vosges à Remiremont. Que dire sur les boissons, on a des vins locaux, bon, sur l'Alsace évidemment, hein, chez Eltis à côté de Ribeauvillé, et puis les bières de la Fouillotte à Épinal, Tal à Villers, en dessous de Munster. Enfin, en microbrasserie, il y en a vraiment pas mal, donc c'est bien. Et puis les clients apprécient beaucoup qu'on puisse proposer différentes petites choses. Et sur les produits, il y a des fermes locales à la Bresse aussi, à Gerbamont, à côté de Corcieux. En fonction de la saison, on va prendre d'un côté ou de l'autre. Ce qui est un peu plus dur pour nous, c'est plus la livraison. Puisque quand on travaille avec des petites structures, ils ne livrent pas forcément, et puis on peut pas nous assurer tous les déplacements pour tout ça. Mais ça passe par la fromagerie Autolive aussi, hein, pour le Montagnard, le fromage qui est très très apprécié, que l'on sert en fondu. Enfin, on essaye de valoriser au maximum les produits qui sont à moins de 20-30 kilomètres, quoi. Est-ce que vous proposez des plats adaptés à des personnes qui ont un régime particulier, par exemple les diabétiques ou quelque chose comme ça? Quasiment tous les jours. Oui, il y a énormément de demandes en ce sens, que ce soit des choix alimentaires, que ce soit des allergies, que ce soit des incapacités par rapport à certains handicaps. Donc ça veut dire qu'il faudra mouliner, hacher, mixer les aliments. Alors c'est sûr qu'une choucroute mixée, c'est pas très beau comme ça. C'est très bon, par contre. Et on s'adapte en permanence aussi. Ça peut être sans gluten, ça peut être... Enfin, il y a tellement de choses que... De demandes différentes, notamment quand on touche au domaine de la déficience et du handicap. Donc on s'adapte au mieux chaque jour. C'est pas toujours évident, j'avoue. Quand c'est un repas, de temps en temps, c'est rien. Enfin, c'est rien, c'est un travail. Mais... Quand on a un groupe avec plusieurs régimes qui est là sur plusieurs jours, donc sur une semaine, ça peut représenter 14 services, midi, soir, c'est des fois difficile. Hein. Mais on arrive à le faire, et puis en tout cas, on fait au mieux en concertation avec les personnes. Au niveau handicap, si c'est pas en concertation directe avec la personne, c'est avec les encadrants. Et puis Aline, comme je le disais tout à l'heure, prépare ça en amont sur l'organisation du séjour pour que nous, on soit prêts pour accueillir dans les meilleures conditions et répondre à toutes ces demandes de diverses et variées au niveau de la restauration et des allergies et autres. Est-ce que vous faites les plats à emporter aussi ou pas? Pas vraiment. On accueille plus les gens au refuge parce qu'il fait chaud, parce que c'est convivial, parce que c'est bien, c'est notre base. Après, on fait des pique-niques, bien sûr, pour les randonneurs, pour partir marcher avec leur pique-nique. Mais emporter sur notre secteur de restauration, à savoir en montagne, à part le pique-nique, si on nous demande une baguette, bien sûr, on va fournir une baguette de pain. J'ai vu via votre site que vous proposez aussi parfois des pots d'accueil. On nous demande souvent, oui, les pots d'accueil, c'est pas mal dans le cadre de séminaires d'entreprise ou de séminaires entreprise ou institution, parce qu'on reçoit beaucoup de monde, le département de la région, ce que je disais, du Massif, le Parc des Ballons, qui sont aussi nos partenaires, hein, quotidiens, et bah, s'ils arrivent à 8h ou à 9h le matin, s'ils nous demandent un café, des croissants et tout ce qu'ils veulent, en fait, bien sûr, on le prépare, oui. Le refuge du Sautret, c'est également une possibilité d'hébergement. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots là-dessus? Sur l'hébergement, donc on a 11 chambres qui vont de 4 à 6 places que l'on peut privatiser pour une ou deux personnes, hein, sans souci. Sur les 11 chambres, il y en a 9 qui sont de plein pied, entièrement adaptées à tout type de handicap, avec salle de bain, enfin douche, WC, lavabo dans chaque chambre. Et puis 2 autres chambres avec douche, WC, lavabo, mais qui sont dans l'ancien bâtiment à l'étage. Donc celle-là, il y a un escalier, donc on peut pas vraiment parler d'adaptation. Mais il y en a 9 qui permettent d'accueillir tout public confortablement, qui sont assez récentes, hein, elles ont 10 ans, puis on les entretient régulièrement. Et sur l'hébergement, si on prend 9 chambres comme ça adaptées, ce qui fait déjà un certain nombre de personnes, on est une des seules structures en France à proposer une capacité au niveau handicap de ce volume, de cette dimension. Ce qui fait qu'on a des clubs handisports qui viennent de Savoie, de Haute-Savoie, pour faire du fauteuil tout-terrain dans les Vosges. Et puis ils sont contents de découvrir les Vosges aussi, même si c'est chez eux que c'est le plus beau. Je rigole. Mais ils viennent là parce qu'ils vont pouvoir se retrouver à 15 copains en fauteuil, à l'aise. Enfin, sans... Il y a beaucoup de petites structures et il faudrait qu'il y en ait plus hein, en France et partout, mais qui vont pouvoir accueillir 2, 3 ou 4 personnes en fauteuil, surtout dans des meilleurs en montagne. Hein, je parle de la montagne principalement, mais des structures qui peuvent avoir 10, 20 personnes, il y en a très très peu. On doit être 3 en France. Est-ce qu'il est possible d'amener des animaux ou pas ? Oui, tout dépend le type d'animal. Un poney, ça va être compliqué. Non, on peut. On a 5 ânes, enfin 8 en tout, qui sont sur les terrains autour du refuge, bien sûr, hors neige. Donc on accueille aussi, j'en avais pas parlé tout à l'heure, mais on accueille des cavaliers. Donc il y a des gens en étape qui viennent, on peut mettre les chevaux en pâture pour une nuit ou deux nuits sans souci. Mais sinon, concernant les animaux, c'est plus au niveau des chiens, la question, c'est la demande la plus fréquente pour nous. Et oui, on accueille les chiens, mais on peut pas les accueillir dans les chambres. Donc on a un espace dans les locaux techniques qui sont adjacents, hein, juste à côté, pour que les chiens passent la nuit sans leur maître, mais pas très loin. Parce qu'au niveau des chambres, il y a quelques soucis d'allergie au niveau handicap aussi qui sont importants. C'est pas des petits soucis parfois, donc on préfère ne pas prendre les animaux dans les chambres. D'accord. J'ai vu aussi via votre site qu'il est possible de pratiquer des activités de pleine nature pour tous. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots là-dessus ? Donc ça revient un petit peu au matériel dont on parlait tout à l'heure, oui. Donc ce qui est intéressant dans la pleine nature pour tous, il y a un cadre d'inclusion aussi, donc c'est de faire partager la nature, la montagne à des personnes porteuses de handicap, déficientes de diverses manières, avec d'autres personnes valides. Donc que ce soit la famille, que ce soit dans un groupe reconstitué aussi, c'est très varié. Et puis il y a aussi le côté associatif de notre structure, il y a environ 80 personnes du secteur des Hauts-de-Vosges et puis plus loin aussi, qui sont là pour partager l'activité, donc nous aider dans l'évolution avec les différents fauteuils tout-terrain ou fauteuils ski, mais qui apportent aussi leur personne en termes d'échange social et puis de plaisir quotidien, de se trouver. C'est très bon pour les personnes qui viennent, qui font partie de l'association, et c'est très bon pour les personnes que l'on emmène en balade, quoi. Est-ce que vous proposez des activités à la carte ou est-ce que vous proposez un forfait, par exemple ? Il y a tellement de variétés dans tout ce qu'on fait qu'on a... On a des forfaits sur les activités à la carte, en fait. Mais on s'adapte tout le temps à la demande. Donc, on a un prix par activité, en gros, que l'on conjugue avec les prix d'hébergement pour faire un séjour. Mais ça peut être... On travaille aussi comme une auberge, restaurant de montagne. Donc, ça peut être des gens qui viennent juste manger à midi, juste manger le soir. Mais ça peut être des gens qui viennent juste faire une activité un matin, une activité l'après-midi, on s'adapte. Après, ça peut être un repas de midi avec une activité, un repas du soir avec une activité aussi. Donc, on accueille des gens à 17h en raquette à neige, par exemple. On fait une balade de 2h, on vient au refuge, on passe un bon moment autour d'un repas, et puis on ramène les gens à leur voiture en raquette, toujours vers 11h, minuit, le soir. Donc voilà, c'est un autre petit package que l'on peut faire. Mais sur une classe verte, ce que l'on a toute cette semaine... on va construire le séjour complet, donc il y aura effectivement des forfaits autour de ce séjour, mais tout est programmé du matin au soir sur les repas et puis l'hébergement et l'ensemble des activités. Nous allons maintenant faire deux pauses musicales avant de continuer de parler de refuge du Sautré. On vous laisse avec Noisette et One Republic et on se retrouvera juste après sur le 107. Watch you drinking rum or whiskey. Now won't you have a double with me? I'm sorry I'm a little late. I got your message, by the way. I'm calling in sick today. I'll never forget you. They said we never make it.

principalement en primaire, hein, mais on reçoit aussi des collèges, des lycées, mais la classe verte, c'est bon. Quand on parle de classe verte, c'est plus des primaires où on va accueillir les enfants en séjour. Ça peut être à la journée aussi, qui viennent juste pour une activité, un repas, mais c'est souvent sur 3-4 jours, du lundi ou du mardi au vendredi, enfin c'est à la carte. Et on développe tout un programme derrière tout ce qu'on a pu voir, que ce soit l'hébergement, la restauration, mais surtout la découverte de la montagne. On développe un programme en faveur de la classe, d'un point de vue pédagogique et ludique bien sûr, autour d'une thématique qui est importante pour l'enseignant dans son programme de l'année ou pour ses convictions personnelles aussi, hein, de découverte de la montagne. Donc on va axer les balades sur la faune, l'observation des animaux sauvages en montagne, de par les traces et indices de vie, donc des arbres qui ont été abrutis, hein, mangés par les cerfs, les chevreuils, à travers la découverte d'indices sur les traces, par exemple, au sol, ou de choses avec l'observation le plus possible, tout en respectant la faune, bien sûr, parce qu'un groupe d'enfants, c'est pas toujours discret. Même si on voudrait, et l'observation de chamois aussi. Après, ça peut être un travail autour du cycle de l'eau. Donc, on est extrêmement bien situé en montagne pour travailler sur le cycle de l'eau, parce que depuis les crêtes, on voit les vallées, donc l'érosion, la lecture de paysages, comment les vallées se sont créées, du glacier jusqu'à la rivière, enfin au ruisseau et à la rivière. Le support montagnard est excellent dans ce domaine. Après, comment on utilise l'eau en montagne dans ce domaine-là, donc l'hydroélectricité et plein d'autres choses. Donc, sur des thématiques fortes pour les enfants, et ça apprend à connaître comment notre société a évolué, notre histoire, et puis... vers quoi on va aussi par rapport à nos problèmes sociétaux. Donc d'un point de vue pédagogique, c'est très intéressant le cycle de l'eau, mais ça peut être aussi un travail sur la flore de montagne. Donc là, on a une richesse sur les Hautes-Vosges qui est très importante. Ça commence maintenant, là au mois de mai, l'herbe est à peine poussée, mais il y a déjà beaucoup de fleurs, c'est très beau. Et ça peut être sur la thématique de l'habitat en montagne. Donc pourquoi ces paysages-là, d'un point de vue géologique, sont comme ça? Donc ça ramène un peu sur le cycle de l'eau. Mais derrière la géologie, bien sûr, il y a l'habitat, donc il y a la faune dont on parlait, mais il y a l'homme surtout. Et si on a ces paysages-là aujourd'hui, quel que soit le paysage en plaine ou en montagne, c'est aussi parce que l'homme l'a façonné. Donc voilà, c'est des thématiques fortes d'un point de vue pédagogique qui sont intéressantes à travailler avec des gamins. Et autour de tout ça, on essaye de le faire d'une façon ludique aussi, en animant au mieux avec ce qu'on a en montagne. Par exemple, le Land Art, hein, on va utiliser, si on avait un matin, admettons, d'observation de chamois, l'après-midi, on peut très bien aller en forêt et puis en sous-bois faire dessiner par petits groupes des chamois aux enfants avec des petites branches, des feuilles, des cailloux. Et c'est le côté jeu qui d'un point de vue pédagogique renforce le programme. Donc il y a tellement de choses à faire que sur les classes vertes, c'est ça, on a une thématique principale, plusieurs thématiques connexes forcément, puisque si on est parti pour voir des traces de cerfs et qu'on voit un renard, on parlera du renard. Si on voit une anémone pulsatie, on parlera de l'anémone. Mais le milieu nous aide beaucoup, il y a tellement de choses à voir et c'est très riche pour les enfants. Donc c'est vraiment de faire connaître la nature et la montagne pour les enfants, tout en les faisant vivre un moment entre eux, où ils dorment ensemble, où ils mangent ensemble, où ils s'organisent ensemble, où papa, maman ne sont pas là. Donc c'est très valorisant, très riche pour les gamins. Sur votre site, on peut voir qu'il y a une webcam pour suivre la météo du moment, mais qui s'occupe de ça? Ben c'est nous. Alex, au niveau de la... Donc, il y a un ami, hein, Alexandre Simon. C'est pas son métier, il est passionné, il connaît l'informatique sur le bout des doigts. Enfin, l'informatique, c'est son métier, pas la météo. Il se passionne aussi pour la météo. Et c'est lui qui a mis en place la webcam, la caméra, hein, qui est à 360 degrés. On offre un panorama tous les jours sur 200 degrés sur le lac de Longemer, côté ouest. Donc on voit l'évolution quotidienne. Il y a un timelapse derrière. Il y a le panorama en permanence, hein, sur le site internet. Donc ce qui permet, ce qui est très intéressant, conjugué à la station météo qui est avec... qui donne toutes les indices météo instantanément. Ce qui est très intéressant pour tous les amoureux de la montagne, alors ça peut être les randonneurs, les kitesurfers, les skieurs, un petit peu tout le monde, les vététistes. Parce que quand on part de Nancy, au lieu de faire 2 heures de route pour faire du kitesurf, et puis qu'on arrive et on est dans le brouillard complet avec plein de vent, là, ils le regardent avant de partir et ils savent directement quel temps il fait sur la crête. Donc c'est un exemple, hein. Mais c'est super. On a énormément de monde qui nous contacte par rapport à ça, en nous remerciant parce que ça leur permet de voir au bureau à Strasbourg le matin à 7-8 heures le temps qu'il fait sur les crêtes, parce qu'ils préféreraient eux être sur les crêtes. Et vous mettez ça sur le site la webcam en continu, ou vous prenez les meilleurs moments de la journée par exemple? Le panorama, c'est une photo tous les 20 minutes, mais on la voit en continu avec un balayage de la caméra. Le timelapse, c'est une photo tous les heures, toute la journée, enfin jour et nuit. Donc si on le regarde, on voit tout le déroulement météo de la journée. Sur l'ensemble, tout est archivé sur un calendrier. Donc si on peut remonter, il y a tel jour, le 24 avril, il y a 3 ans ou 4 ans, et on revient direct dessus. Donc c'est intéressant parce qu'on peut retrouver la météo un jour donné. Et tout ça, tout est en ligne, quoi. Tout le monde peut le consulter. C'est quoi l'actualité du refuge du Sauterait? L'actualité... Ah, là on est en train de préparer le printemps, donc l'actualité elle est plus sur la préparation des activités, la mise en place du matériel. Après l'actualité, on fait un petit truc sympa, enfin on en fait plein, hein, mais le 24 juin, on va faire une journée avec la gendarmerie nationale des Vosges en faveur des enfants de gendarmes porteurs de handicap, ou de gendarmes aussi porteurs de handicap. On propose sur une journée, avec leur repas de midi, des activités offertes par la gendarmerie, que nous, on encadre, hein, on assure l'encadrement et puis l'accueil au niveau de la restauration. Donc ça, c'est une petite actu du moment, mais il y en a plein. J'ai vu que vous proposiez des idées cadeaux à votre clientèle via votre site internet. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Le refuge plaît beaucoup. Donc, on a beaucoup de gens qui nous demandent est-ce qu'on pourrait offrir un séjour à quelqu'un de notre famille, un ami ou autre, surtout à Noël. Et bah, du coup, on a fait des bons cadeaux qui permettent à une personne d'acheter le bon cadeau et de l'offrir à quelqu'un. Et puis nous, après, on a notre petit registre, et quand la personne vient, on sait qui c'est. Puis, donc ça, voilà, une forme de bon cadeau. Quels sont vos futurs projets avec le refuge? Les projets au niveau du refuge, aujourd'hui, c'est plus sur le renouvellement du matériel au niveau handicap. Parce que là, on a commencé il y a 20 ans, donc il y a des joëlettes qui ont 20 ans, donc on les a déjà renouvelées. Mais tout le matériel, fauteuil ski, fauteuil tout-terrain, sont forcément vieillissants. Après, il y a beaucoup d'évolutions dans ces domaines aussi, donc du matériel très intéressant à acquérir pour pouvoir proposer les activités à tout le monde. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup sur ce côté-là pour renouveler et acquérir du nouveau matériel. Comment est-ce qu'on peut vous contacter? C'est pas dur. Il suffit de taper Sauterait sur Google et puis vous aurez le site du refuge du Sauterait. C'est la façon la plus directe, puisque sur le site, après, il y aura tous les différents réseaux. Ça va renvoyer sur Instagram, sur Facebook, le numéro de téléphone, les mails et tout l'ensemble. Donc on peut nous contacter par tous les réseaux sociaux ou le téléphone, bien sûr, mais tout est répertorié sur le site internet. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, à vous et au refuge du Sauterait? Du la soleil. Grande question. Ben, que ça dure, mais il n'y a pas de raison, puisque ça fait déjà 20 ans, ça plaît énormément. Le planning au niveau des réservations est bon, on peut pas dire autrement. Donc on organise bien les choses. Ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on puisse continuer dans des conditions favorables, parce que c'est pas forcément évident aujourd'hui de faire tourner une structure, hein, pour tous les problèmes sociétaux que l'on connaît, que ce soit à travers l'achat alimentaire, l'organisation associative ou tout ce qu'on veut, tout se complique un petit peu. Mais on saura faire face, j'espère. Et puis on a aussi beaucoup de partenaires qui vont continuer à nous suivre, il n'y a pas de raison. Donc ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on fasse plaisir à encore plus de monde. Cette émission est maintenant terminée. Jean-Marie, merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre accueil, merci pour votre invitation et au plaisir de vous revoir. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir. Avec plaisir. Et ça, pareil dans l'autre sens, hein, vous pouvez venir nous voir là-haut. Pas de souci. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde.